السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، on va prendre le ders et il se peut que ce soit le dernier ders aujourd'hui qu'on finisse ce livre. Je regarde le nombre de questions qui restent, c'est pas trop long. Soit on finit aujourd'hui, soit on coupera, on finira demain. À la hasab el waqt. Biznillah ta'ala. Donc la dernière fois, on avait parlé du droit des Sahaba. Qui étaient les Sahaba, en gros? Et quel était notre devoir envers eux? Ensuite, toujours sujet, questions qui sont en relation avec les Sahaba, qui sont relatives au khilafa, au califat qui a lieu après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis Souhel al-Ashir Bard al-Miyatayn, 210e question. كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Donc combien de temps a duré le califat après la mort du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم؟ روى أبو داود وغيره من سعيد أو عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. Donc il a dit النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et autres qu'il avait annoncé, il avait prophétisé que le califat allait durer 30 ans. Ensuite, Allah donnera le royaume, c'est-à-dire il y aura des rois et non plus des califes, que Allah donnera le royaume à qui il veut parmi ses serviteurs. Et en effet, comme le dit l'auteur, ce hadith correspond avec ce qui s'est vraiment déroulé, que Abu Bakr, la période de Abu Bakr, Othman, Omar, Othman et Ali, radiallahu anhu, plus Al-Hassan a duré concrètement 30 ans. Abu Bakr, il a fait 2 ans et 3 mois. Omar, il a fait 10 ans et 6 mois. Othman, il a fait 12 ans. Et Ali, il a fait 4 ans et 9 mois. Et cela a été parachevé par son fils, Al-Hassan, qui a fait 6 mois. Et de là, les 30 ans ont été complétés. Wa awal muluk al-Islam wa Awiyah. Et que le premier des rois qui est venu, ça a été Muawiyah. Car comme vous le savez dans l'histoire qui s'est passée, Al-Hassan s'est désisté du pouvoir et l'a laissé à Muawiyah. Donc de là, Muawiyah s'est devenu, il a été un roi et non pas un calife. Ensuite, il y a eu des rois légitimes après lui, jusqu'à ce que vienne Omar ibn Abdul Aziz, qui était, lui, décrit comme étant le 5e calife, pour le bon parcours qui était par la suite en conformité avec la voie des salafs sur laquelle étaient les califes d'avant lui. Ce à propos de qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin radhu alayha bin nawajiz. Il a dit prenez ma sunna et celle des califes bien guidés. Les califes bien guidés sont les 4 que vous connaissez. D'accord. Cependant, en réalité, ne pas croire que Omar ibn Abdul Aziz était meilleur que Muawiyah. Muawiyah était meilleur que lui, parce que Muawiyah, c'était un sahabi. C'est parmi les sahaba sur lesquels, parmi ceux qui ont écrit la révélation, qui ont écrit le Coran, parmi les scribes du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Muawiyah est nettement meilleur que Omar ibn Abdelaziz. Ne pas négliger cela. Malgré le surnom qui était donné de 5e calife, Muawiyah était meilleur que lui. Un statut plus haut. Qal fi souhel al-hadi asha bad al-miyatayn. 211e question. ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة؟ Donc maintenant, c'est quoi la preuve que ces quatre-là, les quatre compagnons, devaient avoir le califat. Donc il y a beaucoup de hadillah sur ce sujet-là, dont le hadith là général que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité. Ensuite, ce qu'on a cité dans les durus précédents, celui d'hier, de la préférence qu'il y a des uns aux autres. Abu Bakr, thumma Omar, thumma Othman, Thumma Ali. Et il y a un hadith rapporté par Abu Dawud, selon Samura ibn Jundub, قال أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دولا أدلوا أدلي من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى ذرع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب حتى ذرع ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. Donc dans le hadith, dans le sens que un homme a dit au messager d'Allah, j'ai vu à travers un rêve, comme s'il y avait un seau, un récipient qui descendait du ciel. Abou Bakr est venu, il a attrapé par l'anse du seau, et il en a bu un petit peu. Ensuite, Omar est venu, l'a saisi par l'anse également, et en a bu jusqu'à être rassasié. Ensuite, Othman est venu, il en a bu en être rassasié. Et ensuite, Ali est venu, mais le seau, on va dire, a vacillé, a tremblé, et cela a fini par mouiller Ali, l'éclabousser. Donc ce hadith également décrit la façon dont le califat s'est déroulé. Que les plus longs, ça ont été Omar et Othman, et qu'ils ont été tués. Ali également a été tué, mais il a fait un temps plus court que eux. Il a fait un temps beaucoup plus court que Omar et que Othman. Et toute personne qui s'oppose à cela, c'est un zal mubtadi', comme a dit le mu'allif. Ça, c'est l'ijma, unanimité chez les gens de la sunna, de l'ordre de ce califat, en fonction de leurs préférences, de leurs mérites. Celui qui s'oppose à cela aura innové, sera égaré. D'ailleurs, c'est le cas des shi'a, des chiites, qui ont préféré Ali. Et le début du tashayyur, du chiisme, à l'époque, les premiers, n'avaient pas de diffamation envers les sahaba. Juste, ils préféraient Ali sur Othman. C'est comme ça que ça a commencé. Les premiers shi'a, parce que vous allez voir des imams qui sont affiliés à la sunna, mais on dit « fihim tashayyur », qu'ils ont en eux du chiisme. C'est quoi ce chiisme ? C'est qu'ils avaient une préférence de Ali sur Othman. C'est tout. Ça a commencé comme ça. Après, c'est venu au point de... l'extrême, ça a été la Rawafid. Qui, eux, carrément, se sont mis à rendre mécréants la plupart des sahaba, presque tous, à part quelques-uns. Et exagérés dans la personne de Ali, radiallahu anhu. « Yaqul fi sawal al-thani 'ashar ba'd al-mi'atayn » 212e question. « Ma dalil ala khilafat al-thalatha ijmalan » Donc maintenant, c'est quoi la preuve du califat des trois premiers, de façon générale. Il y a beaucoup de adillah, dont ceux qu'on a cités dans le das précédent. Et il y a un hadith de Abu Bakr. D'ailleurs, tenez, l'autre jour on parlait que Abu Bakr n'avait pas cité beaucoup de hadiths. On voit aussi l'un d'entre eux. Qu'il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ra minkum ru'ya » Qui donc a vu un rêve cette nuit ?« Faqala rajulun ana ra'itu ka'anna mizan nazala min as-sama » فوزنت انت وابو بكر فرجحت انت بابي بكر ووزن عمر وابو بكر فرجح ابو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان. Cet homme a dit qu'il a vu en rêve, il a dit qu'il a vu comme une balance descendant du ciel, et que cette balance est venue et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été pesé, et de l'autre côté Abou Bakr, chacun sur un plateau, et que le Nabi sallam a pesé plus lourd. Ensuite, Abou Bakr et Omar ont été pesés, et que Abou Bakr a pesé plus lourd que Omar. Ensuite, Omar et Othman ont été pesés, et que Omar a été plus lourd que Othman. Donc cela est une chose qui a été décrite comme étant justement ce calife. Puis la balance a été relevée au ciel. Et un autre hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيت برسول الله ونيت عمر بأبي بكر ونيت عثمان بعمر. Et dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'un homme droit, un homme droit, c'est important parce que les rêves à prendre en compte dans ce genre de domaine sont les rêves des gens droits. Il a dit qu'un homme droit a vu en rêve cette nuit que Abu Bakr s'accrochait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis, Omar s'est accroché à Abu Bakr. Puis, Othman s'est accroché à Omar. Et les deux hadiths sont dans les sunan. Ensuite, dans la 213e question, celle-là, on la passera parce que le hadith qui était cité, je n'ai pas trouvé comment le traduire. Il y a des termes, j'irai dans les explications des hadiths, et même les ulama ont différentes interprétation des mots dans ce hadith. Donc pour ne pas me tromper et ne pas induire quiconque en erreur dans ce domaine-là, j'allais en passer à la question. C'était juste en fait, c'était quoi Mad Dalil à la khilafat Abu Bakr ou Omar radiallahu anhuma jmalan. C'est quoi les preuves du califat de Abu Bakr et de Omar? de façon globale. Donc là, en réalité, cette question-là a déjà été clarifiée dans les autres questions précédentes et dans celles qui viendront par la suite. Donc on peut, si on ne la lit pas, ce n'est pas grave. Ça ne nuit en rien. Biznillah ta'ala. Fissouel Rabi Achar, Bad el Miyatain. 214e question. Yakul ma dalil ala khilafat Abi Bakr wa taqdimihi fiha. Donc maintenant, c'est quoi la preuve du califat de Abu Bakr et du fait qu'il était le premier qui méritait ce statut en premier. Donc les preuves là-dessus sont très nombreuses, dont celles qu'on a citées déjà auparavant. Et parmi elles, dans un hadith rapporté dans les deux recueils authentiques, un amra'atan atat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa amaraha an tarji'a. Fa qalat ara'aita iz jittuk wa lam ajidk ka'annaha taqul al-maut. Qala sallallahu alayhi wa sallam in lam tajidini fa'ti Abu Bakr. Donc une femme s'est rendue auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui parler. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit reviens plus tard. Dans le sens il devait être occupé ou il avait une raison. Et après elle a dit, mais je ne te trouve pas. Et ça a été interprété dans le fait, si jamais par exemple tu es mort, tu n'es plus là. Au moment où je reviendrai pour te parler. Il a dit, alors rends-toi auprès d'Abu Bakr. Va lui parler, à lui. Dans un hadith apporté par Aïcha radiallahu anha, قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويبى الله والمؤمنون يبى الله والمؤمنون إلى أبا بكر. Il a dit à Aïcha, appelle ton père, c'est-à-dire Abu Bakr, ainsi que ton frère, et je pense que ça doit être Abdurrahman, afin que j'écrive un livre. Car je crains qu'une personne désirant, on va dire, le pouvoir ou autre par la suite, ne s'imagine des choses en disant je suis prioritaire, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir. Alors que Allah et son messager ne veulent que Abu Bakr. Allah et son messager ne veulent que Abu Bakr. C'est le Nabi Sallam clairement qui l'a dit. Et également, lorsque le Nabi Sallam était dans les affres de la mort, c'est Abu Bakr qui présidait la salat à sa place. Donc cela indiquait qu'il était le meilleur et le plus en droit de prendre le pouvoir par la suite. Wa ajma'a ala bay'atihi jami' ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-muhajirin wal ansar faman ba'dahum. Et que la communauté était unanime qu'il s'agisse des muhajirun des ansar de lui porter allégeance lorsqu'il a pris le pouvoir. Unanimité. فقال في السؤال الخامس عشر بعد المئتين 215e question. ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ Donc maintenant c'est quoi la preuve que Omar également venait en deuxième position. Il dit que les preuves là-dessus sont nombreuses. Et parmi elles, قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم أو كم قدر عفوا لا أدري كم قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعده وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, je ne sais pas combien de temps encore je vais rester en votre sein. D'accord? Mais par la suite, alors vous, suivez les deux d'après moi. Il a indiqué Abu Bakr, puis Omar, rapporté par Ahmed. Et le hadith rapporté par Huzaifa, dans lequel il citait les fitanes qui lui arrivaient par la suite. Lorsque Omar l'interrogea à propos des fitanes. Il lui a dit qu'il y aura une grande fitna qui se produira par la suite. Tamouch kamouj al-bahr. Des fitanes qui seront comme à l'image de vagues gigantesques dans la mer. Et qu'il y a entre ces fitanes et leur époque où Omar a interrogé Huzaifa, une porte qui sera cassée. Omar qu'allait hel yuftah ou yuksar. Est-ce que cette porte sera ouverte ou sera cassée? Huzaifa lui a dit, belle, elle sera cassée. Donc de là, Omar, il a dit, izan la tughlaq abadan. Donc si elle est cassée, elle ne sera plus fermée. Cette porte-là ne sera plus fermée. C'est-à-dire que les fitanes auront lieu, auront libre cours. Et là, Huzaifa, il a dit, Omar, et cette porte, c'est toi, en fait. C'est-à-dire ta mort. Quand tu mourras, cela laissera une porte aux fitanes dans la Ummah qui ne se fermera plus jamais. Et Firlane s'était constaté après la mort de Omar qu'il n'a cessé d'avoir des conflits entre les musulmans. وأجمعت الأمة على تقديمه على الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه. Et qu'il y ait unanimité de la communauté que justement Omar devait venir en deuxième position après Abu Bakr. ثم قال في السؤال السادس عشر بعد المئتين. 216e question. ما دليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة. Donc maintenant c'est quoi la preuve que Othman devait venir après eux dans le califat. عن عائشة رضي الله عنها قالت كرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه ويقول ذلك في ثلاث مرات رواه ابن ماجه وغيره إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان يا عثمان سيما الله عز وجل un jour te donne le pouvoir ce qui prouve que عثمان savait qu'un jour il allait l'avoir et que les munafiqoun veulent te retirer ton kamis, alors ne le retire pas. Et il lui a répété cela trois fois. Et ce kamis, c'était le pouvoir. Dans le sens, ne te désiste pas. Reste et garde le pouvoir, tant que tu l'as. Donc c'était une exhortation du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, à Othman. وقال واجبع على بيعة أهل الشورى ثم صار الصحابة وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. Et كذلك il y a une unanimité de la des gens de la consultation puis ensuite du reste des compagnons et le premier qui a porté allégeance à Othman justement c'est Ali lui-même du moins qu'il l'ait fait après Abd al-Rahman ibn Auf. Les gens de Shura c'est qui justement ce sont les gens qui décident de qui prend le pouvoir après la mort du gouverneur si celui-ci n'a pas laissé de successeur derrière lui. Donc c'était comme on disait la dernière fois. La démocratie en Islam n'existe pas. Ce sont des gens précis, désignés, qui s'occupent, qui sont chargés de décréter qui sera le gouverneur. Des gens expérimentés parmi les ulama et les gens qui ont une maîtrise dans les domaines du gouvernat. Par exemple, les gens de l'armée, les gens de l'économie, les gens de différents domaines se réunissent entre eux et voient qui est la personne la plus apte à prendre le poste de gouverneur. D'accord ? On ne demande pas à tout le monde de voter ou de participer. Là, la plupart des gens, ils sont ignorants, ils ne savent pas c'est quoi les masalih, intérêts ou autres de la communauté. Chacun va voir en fonction de ses propres intérêts personnels et cela va amener au désordre. Donc, les gens de la consultation de l'époque ont vu entre eux et ont décidé que c'était Othman qui devait prendre le pouvoir après Omar. Radiallahu anhu. Qala fi soula sabi'a achar ba'd al-mi'atayn. 217e question. Ma dalil ala khilaf ala. لحظة. على خلافة علي رضي الله عنهما رضي الله عنه donc les preuves celles-ci sont nombreuses également dans celles que nous avons citées auparavant وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتل الفئة الباغية يدعو إلى الجنة ويدعونه إلى النار. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani, pauvre de Ammar, il sera tué par le groupe transgresseur, le groupe injuste. Alors qu'il les appelle au paradis, et eux l'appellent au feu. Et en fait, Ammar était avec Ali, sous le gouvernat de Ali. Et il a été tué par l'agent du Shem. Alors qu'il les appelait justement à suivre les gens de la sunna et du groupe. Mais eux l'ont tué. Wa fihi qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tamaraku marikatun nalahin furqa min an-nas yaqtulum awla at-tayfatayn bil haqq. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il y aura un groupe qui se divisera de la communauté. En fait, ce sont les Khawarij. Et qu'ils seront tués par le groupe le plus proche, l'un des deux groupes le plus proche de la vérité. De quel groupe il s'agit? C'est au moment où il y a la divergence entre Ali et Muawiyah. Entre Ali et Muawiyah. Ne bien comprendre que Muawiyah était en divergence avec Ali, non pas pour avoir le pouvoir. Ce n'était pas ça le but de Muawiya. Muawiya, c'était pas Khalidi. Il ne voulait pas le pouvoir. Juste que Muawiya voulait que Ali saisisse les tueurs de Othman. Car Muawiya est parmi les proches de Othman. Et il voulait justement les tueurs. Car c'est le droit des successeurs d'une personne qui était tuée, que ses successeurs décident du sort des tueurs. Soit on les tue, soit ils payent la diya. Et Muawiya était parmi les proches de Ali. Il voulait que Ali ramène les tueurs. Mais Ali, à ce moment-là, ne pouvait pas le faire. Car les gens étaient, c'était un moment de trouble, et ça aurait causé encore plus de mal. Donc Ali voulait attendre que les choses se tassent pour prendre les tueurs. Et Muawiya, là-dessus, voulait les tueurs impérativement. C'est là qu'il y a eu justement la divergence entre les deux. Donc en réalité, Muawiya avait un hack dedans. Mais c'était Ali le gouverneur, donc il fallait obéir à Ali à ce moment-là. Il a fait un ijtihad, et comme on l'a dit l'autre jour, les sahabas qui ont fait un ijtihad, s'ils ont juste, ils ont deux récompenses. S'ils se trompent, ils n'en ont qu'une seule. Donc ne pas croire que Muawiya s'est rebellé contre Ali pour avoir le pouvoir. Non, ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc le shahid, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens qui tuent les Khawarij, c'est le groupe le plus proche de la vérité parmi les deux. Il s'agit du groupe de Ali. Non. Et cela par ijmar des gens de la sunna, que Ali, c'est lui qui avait la vérité lors de ce divergent. ثم قال في السؤال الثامن عشر بعد المئتين 218e question. Mal wajib li. طيب, là on a fini avec les adillah qui parlent du khilafa. Maintenant il va parler de la mas'ala, du gouverneur de façon générale. Et Inch'Allah on va finir aujourd'hui. Je voulais m'arrêter là, mais Inch'Allah on va finir le livre aujourd'hui. Bismillah ta'ala. Il reste un peu de temps. Non, on va finir aujourd'hui. Yaqul fi as-su'al as-thamin 'ashar ba'd al-mi'atayn. Mal wajib li ولات الامور. Donc quel est le devoir à remplir envers les gouverneurs? Et de quel gouverneur on parle là? On parle des gouverneurs musulmans. Des musulmans, amma les koufars, ils ont aucun droit sur nous. Sachez-le. Les gouverneurs mécréants n'ont aucun droit sur les musulmans. Comme quand le Ta'ala, wa lan yajal Allahu lil kafirin ala mu'minin sabila, que Allah ne donnera pas de sentier, c'est-à-dire de pouvoir des koufars sur les musulmans. D'où le fait que par exemple même une femme Muslima, si son père c'est un kafir, il n'est pas wali pour elle, il n'est pas le tuteur pour elle. Les koufars n'ont pas autorité sur les musulmans. Maintenant, le fait qu'ils n'ont pas autorité ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi non plus. On observe les règles qui amènent à ce qu'il n'y ait pas de fitan. Ce n'est pas au gouverneur kafir qu'on obéit, mais on obéit aux règles de l'islam de façon générale qui appellent à ne pas faire de trouble. C'est tout. Sans quoi, ils n'ont pas d'autorité sur nous. Ni les Biden, ni les Macron, ni les Poutine, ni personne. D'accord, les musulmans qui sont dans leur pays, à la base, n'ont pas d'obligation religieuse d'obéir au gouverneur en lui-même, mais d'observer les lois qui sont conformes à l'islam et qui amènent à montrer la meilleure image possible et à éviter les troubles. Vous voyez? Naam. Donc il dit le wajib lahum an-nasiha bimawalatihim ala al-haq wa ta'atuhum fihi wa amruhum bihi wa tafkiruhum bi rifq والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء صدقات إليهم والصبر عليهم وإنجار وترك الخروج بالسيف عليهم وما يظهر ما لم يظهر كفرا بواحا وأن لا يغرو بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاة والتوفيق. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire de leur prodiguer le conseil par rapport à leur devoir sur la vérité? Et ce conseil, ce n'est pas n'importe qui le prodigue également. Ce sont les gens qui ont une influence et qu'ils sont en contact avec eux, en relation avec eux. D'accord? Et ça, ils ne sont pas obligés de le faire ouvertement. Même le cas le plus connu, c'est qu'ils n'ont pas à le faire ouvertement devant tout le monde. En nommant le gouverneur lui-même, en le conseillant. Et de relais, ils voient que tu peux le faire ouvertement s'il y a un besoin, comme Cheikh Mokbil, par exemple. Ou même l'imam al-Nawawi. D'accord? Mais en réalité, trop de preuves montrent que cela se fait de façon discrète et cachée. Car le hadith qui appelle à cela, Cheikh Mokbil voit qu'il est faible. C'est tout. Le hadith qui appelle à conseiller le gouverneur en intimité, de façon cachée, Cheikh Mokbil voit que ce hadith n'est pas authentique. Voilà pourquoi il n'est pas forcément de cet avis-là. Bien qu'il voit qu'il sait mieux de faire comme ça, mais s'il n'y a pas de résultat par la suite ou quoi, alors lui, il voit qu'il n'a pas de mal à le citer en public, mais de la meilleure façon, sans appeler les gens à se révolter et à se soulever contre lui, afin que justement, l'erreur qu'il commet lui parvienne, que le calème qu'il doit entendre lui parvienne. Lui dit bien dans le cas où personne ne puisse se parler, en toute discrétion, hein. C'est pas dans l'absolu qui dit qu'il faut le faire. Non, quoi qu'il en soit, ce genre de choses ne reviennent pas à nous. Ça ne revient pas à nous, ça. Donc, il faut les conseiller, il faut leur obéir. Dans quoi? Dans le marlouf, dans le convenable. Et il faut leur rappeler justement leur devoir avec douceur. Enfin, la salade derrière eux. Et quand on dit derrière eux, c'est derrière eux ou de toutes les personnes qu'ils auront déléguées, comme imam, d'accord? Enfin, le djihad avec eux. De leur donner les sadakat s'ils les demandent, c'est-à-dire la zakat, pour la donner aux gens méritants. De patienter sur eux, même s'ils sont injustes. Et de délaisser toute forme de sortie contre eux, par les armes, et même par la parole. Parler sur gouverneur, ses erreurs en public, tout ça, ça revient au riba. Et c'est un riba pire que les autres, car cela mène à mettre de l'animosité dans le cœur des gens, ce qui fasse que les gens finissent par la suite à être prêts à sortir contre eux à n'importe quelle occasion. Et cela, il a dit comme condition, tant qu'ils ne font pas apparaître une mécréance claire, flagrante, pas une mécréance comme les gens l'interprètent selon eux, d'accord? C'est une mécréance qui est claire, qui est flagrante, qui est indiscutable. Et cela également revient aux savants. C'est le genre de sujets qui sont sensibles, qui amènent justement au sang, aux vies, des musulmans ou quoi, sont les savants qui parlent. Et bien sûr, les savants de la sunna. On ne les devance pas là-dessus pour dire tel gouverneur, c'est ceci, c'est cela. Non, on reste sur la base, et si quelqu'un doit parler dans ce genre de sujet, ce sont les ulama. D'accord? Ça c'est les nawazil, les sujets sensibles qui amènent aux troubles généraux, ce sont les savants qui s'expriment dans ce genre de moment. Taïb. Ensuite, il a dit également, faire attention, ne pas non plus les combler, c'est-à-dire gouverneurs, de fausses éloges. Pour leur plaire, pour leur faire plaisir. Et également, faut rester juste. Le fait de ne pas ne pas se tirer contre eux, ne pas dire non plus le fait de les aduler ou de les casser en sens du poil. Le juste milieu. D'accord? Avec le gouverneur. Le fait de ne pas critiquer, ne pas dire en plus de faire son éloge à outrance, s'il ne les mérite pas. Voyez, on reste véridique. Car il y avait affaire de certains tabi'in rapportés à l'époque de Ibn Omar, qui disaient qu'ils rentraient chez les gouverneurs en disant une parole, et en sortant de chez lui, de chez le gouverneur, ils en disaient une autre. Et Ibn Omar, il a dit ça, c'est Zouadjain. Qu'on a nourri de la kam l'ennifer. On considérait cela comme étant de l'hypocrisie à notre époque. Que tu fais passer une chose alors que tu n'y crois pas en réalité. Donc ne pas non plus te faire passer pour ce que tu n'es pas et dire ce que tu ne penses pas. Au pire, tais-toi. Ne dis rien. On doit faire le dora pour eux, d'accord? Pour la réforme et pour la réussite. On n'invoque pas contre eux, même s'ils sont mauvais. On invoque pour eux, en leur faveur. C'est-à-dire que Allah les guide et que Allah les réforme. Et on le dit bien, de fait d'obéir au gouverneur dans le marlouf et de ne pas parler mal sur lui, de ne pas citer à sortir contre lui ni rien. Tant qu'il est musulman, ne veut pas dire non plus qu'on doit l'aimer. C'est une question qu'on a déjà posée à Cheikh Abdelhamid. Car le musulman, on l'aime en mesure de sa droiture. Si le gouverneur n'est pas droit, tu n'es pas obligé de l'aimer. Mais ne pas l'aimer ne veut pas dire non plus que tu dois le léser et dépasser les limites légiférant vers lui. Car t'en as, ils en font trop avec les gouverneurs aussi également. Oui, il ne faut pas les critiquer, ne pas sortir contre eux. Il ne faut pas non plus les aduler et faire des éloges, là, ils n'en méritent pas. D'accord? Il ne faut pas non plus aller dans l'autre extrême. On leur désobéit pas, on ne sert pas contre eux, d'accord? On leur habille dans le convenable, mais non plus on ne dit pas de ce qu'il ne faut pas dire, ni dans le mal ni dans le vrai, d'accord? Ni dans le mal, à fois ni dans le mal ni dans le bien. On ne dit pas plus de bien qu'il ne mérite, également. Qal mad dalil soual tasi' ashar ba'd al miyatayn mad dalil ala zalika, c'est quoi la preuve en cela? Qal Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله واتقوا الرسول وأولي الأمر منكم. Dans le sens où Allah dit, oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager et au détenteur du pouvoir parmi vous. Les femmes, verset 59. Donc regardez bien là comme les ulama ils ont dit. Dans le sens où Allah dit, oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. C'est-à-dire le fait d'obéir là c'est dans l'absolu. Et après il a dit quoi? Et au détenteur du pouvoir. Il a pas dit obéissez encore. Non, il a juste dit waouh. Et c'est-à-dire que l'obéissance qu'on doit à Allah, son messager, n'est pas la même qu'on doit au gouverneur. C'est-à-dire qu'on obéit au gouverneur en mesure de l'obéissance du messager et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset est interprété également comme étant l'obéissance au savant. Même le savant est plus en droit d'être obéi que le gouverneur. Savant de la sunna. Comme les salafs l'ont décrit. D'accord? Mais également dans le marlouf, dans le convenable. Les relèvements doivent leur obéir. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واتعوا وإن تأمر عليكم عبد obéissez et écoutez même si c'était un serviteur ou un esclave qui avait le pouvoir sur vous. Ça c'est un exemple extrême. À la base l'esclave n'a pas le pouvoir car lui-même est sous le contrôle d'un maître. Mais c'est pour dire que tellement ça peut aller loin que celui qui a le pouvoir sur vous, alors obéissez-lui. Et l'autre jour on avait dit le pouvoir comment tu l'obtiens? Soit par succession, c'est-à-dire le gouverneur précédent te nomme. Soit par la shura, par le justement la décision prise par les gens d'expérience qui se concertent entre eux, comme c'est fait le cas pour Othman, ou soit alors la personne a pris le pouvoir de force. C'est un musulman. C'est un musulman qui a combattu un gouverneur, à la base il n'a pas le droit, et qu'il arrive à prendre le pouvoir, à l'emporter par la suite, et que cela lui reste, alors on doit lui obéir par la suite. D'accord ? On doit l'obéir par la suite. Et pareil, ça rentre un petit peu dans ce que les ulama disent aussi, que si demain par exemple bien que la démocratie soit interdite ou quoi que ce soit, si jamais quelqu'un par exemple aurait été élu dans un pays d'islam et qu'il prend le pouvoir, on lui obéit, il prend le rôle du gouverneur, même si la façon dont il a obtenu le pouvoir n'est pas une façon légiférée. Voilà, c'est lui qui a le pouvoir, d'accord, il est le gouverneur musulman. Naam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. Il a dit celui qui voit de son gouverneur une chose qu'il n'aime pas alors qu'il patiente sur lui, car celui qui se divise du groupe ne serait-ce que d'un empan mourra d'une mort de la jahiliya. Regardez la menace qui plane sur les khawarij qui appellent à sortir contre le gouverneur et autres. Et regardez bien une chose, ce qui prouve que les Khawarij sont pires que le gouverneur injuste, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé à patienter sur le gouverneur injuste. Alors que les Khawarij, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les combattre. Il a dit, Khel Kotla, Tat Adim es Sama, ils sont les meilleurs des gens tués sous les cieux. Il avait dit que si jamais il allait vivre encore lors de leur apparition, il les combattrait jusqu'à les tuer comme Ad ont été tués. Donc le Khaledji, on le combat par la langue et par les armes, lorsque cela est possible, bien sûr, sous la gouverne la bannière de l'islam. C'est pas toi, tu viens comme ça, tu tues un Khaledji là, t'as pas droit. Mais, par exemple, demain le gouverneur, il a l'armée, il a la police, les autorités ou quoi, et qu'il y a un policier, par exemple, ce genre de gens, eux ils ont le droit de tuer les Khaledji si le gouverneur leur autorise. Ce n'est pas tuer un musulman sans droit. Ce sont des gens qui sont exécutables. Ils ne meurent pas koufar, mais ils sont exécutables. Donc regardez bien qui est le pire et qui est le plus en droit d'être combattu. C'est le Khaledji et non pas le gouverneur, qui est injuste tant qu'il est musulman. Et il avait bien dit dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que si jamais les gouverneurs font un mal, il a dit « Addu lazi wa alaykum, wa sallallahu lazi wa lakum. » Rendez-leur le droit qui leur revient et demandez à Allah le vôtre. Et demandez à Allah le vôtre. Donc quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les Sahaba lui ont porté allégeance sur l'écoute et l'obéissance dans ce qui nous convient et même ce qui nous déplaît, dans la difficulté ou la facilité. Vous voyez ? Et il a dit également dans ce pacte d'allégeance de ne pas disputer le pouvoir à celui qui l'aura reçu par rapport à eux. Et il a dit, إِلَّا أَن تَرَاوْ كُفْرًا بَوَّاحًا عَنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٍ. Sauf si vous voyez, une mécréance évidente dont vous avez une preuve d'Allah Azza wa Jal. Dont vous avez une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment-là, il est permis de sortir contre le gouverneur si des conditions sont remplies également. D'accord? Cela n'amène pas à diviser entre les musulmans, que le remplaçant soit présent, et que les gens ont la capacité de faire la sortie contre lui. D'accord ? Et ne pas non plus céder des koufars pour cela. Mais ça, ce sont des masaïls qui sont sensibles, qui seront elles-mêmes détaillées par les gouverneurs, les ulama, quand cela arrivera. Là, ce n'est pas le cas pour l'instant. Bifadlillahi ta'ala. Nam. Donc il cite plein d'adillah par rapport à cela. وقال في السؤال العشرين بعد المئتين 220 question. على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما مراتبه. Sur qui est obligatoire l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable. Et quelles sont ces étapes? قال النبي قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Que soit de vous une communauté qui appelle au bien et qui ordonne le convenable et interdisent le blâmable. Ils sont ceux-là qui réussiront. Al-Imran, verset 104. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطيع فبلسانه فلم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Que celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et cela est le niveau le plus faible de la foi. Donc l'auteur a dit qu'il y a beaucoup de preuves à ce sujet-là. Et de hadith qui prouve l'obligation d'en donner le convenable et d'interdire le blâmable pour toute personne qui le verrait et qui en aurait la capacité, d'accord. Et chacun en mesure de ses capacités. Des fois, il y a des choses tu ne peux pas les changer par ta main. Ce sont des choses qui relèvent de l'autorité, masalan, l'autorité du pays. Des choses seuls les policiers peuvent le faire, seuls les gens de loi peuvent le faire. Toi, tu ne peux pas. Mais ce n'est pas dans l'absolu. Des fois, tu peux, mais dans la plupart des cas, tu ne peux pas. D'accord? À ce moment-là, ne fais pas plus de mal. Kama yuqal, la yunkar al-munkar bima wa ankar minhu. On ne blâme pas une chose qui est blâmable par une chose encore plus blâmable. On ne fait pas plus de mal en voulant éviter un mal. Non, ça c'est stupide. Et cela amènera encore plus de troubles. Donc il y a des fois, on ne peut pas faire nous-mêmes les choses. Mais rien n'empêche de pouvoir les dénoncer. Aux autorités, par exemple, ou autres. Vous voyez? Mais celui qui a la possibilité d'empêcher un mal, par sa langue qui commence par parler. À la base, c'est ça qu'il faut faire, c'est parler par la langue. Quand les ulama ont dit le hadith, c'est parmi les choses qui sont étranges, car en réalité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'application, il a toujours commencé par la parole. Nasiha. Après, par la main. Et ensuite, l'étape la plus basse pour les gens, c'est dans le cœur. Et il y a des fois, quand c'est un mal devant toi qui est soudain, oui, ça va être la main. Tu vas pas dire arrête de faire ça alors que la personne est en train de faire du mal devant toi, là. Il va pas écouter. Des fois, il faut attraper directement, saisir, ou empêcher par la main. D'accord? Mais si jamais tu peux faire par la parole en premier, alors passe par la parole. Qu'est-ce que Nabi Sallam, en général, il a fait? Il a parlé en premier lieu. وقال في السؤال الواحد وعشرين بعد المئتين 221e question. ما حكم الكرامات أو كرامات الأولياء؟ Donc, en est-il des miracles attribués aux alliés, aux rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala? كرامات الأولياء حق وهو ظهور الأمر الخالق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به. Donc c'est quoi sont les miracles que Allah Azawajal accorde à ses rapprochés, qui sont des choses qui sortent du commun, les prodiges, d'accord, et que des fois ce sont des choses que Allah accorde à des gens parmi ses rapprochés, ses rapprochés, sans même qu'ils n'aient été mis au défi ou même qu'ils n'ont su que cela allait arriver. Comme par exemple les gens de la caverne, le miracle qu'ils ont eu, ils n'ont pas demandé. Ou les gens du hadith ibn Omar, qui étaient prisonniers dans une caverne par un rocher, dont ils ont été libérés en citant leurs bonnes actions. Ou l'histoire de Jureyj avec l'enfant qui a parlé, qui a dit que Jureyj était innocent de la fornication. Est-ce que les prodiges que Allah Azawajal accordait à ses prophètes et autres sont très nombreux, d'accord? Ils sont très nombreux par rapport à cela. Et même chez les Sahaba, il y en a eu beaucoup. Non, là je raccourcis par rapport à ce que l'auteur cite. Il cite des exemples de miracles qui ont eu lieu. قَالَ وَهُمْ مَنْ هُمْ أَوْلِيَ اللَّهِ. Donc maintenant, qui sont ces alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui sont-ils? Parce que plein de gens aujourd'hui se présentent comme étant des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et se permettent d'induire les gens en erreur. هُمْ كُلُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاتَّقَاهُ وَاتَّبَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Toute personne qui aura cru en Allah et qui l'aura craint et qui aura suivi le messager صلى الله عليه وسلم. Et ça, le wali, c'est celui-là, c'est le sunni, dans le sens où Allah a dit, n'est-ce pas que les alliés d'Allah, il n'y a nulle peur sur eux et ne seront point attristés. Sourate Yunus, verset 62. وقال تعالى Allazina amanu yakanu yattaqun, ceux qui ont cru et qui craignaient. Allah a bien précisé qui ils étaient, ceux qui ont cru et qui craignaient, c'est-à-dire les gens pieux. Allahu waliyyu allazina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Dans le sens où Allah dit, et Allah est l'allié des gens qui ont cru, d'accord, et qu'il sortira des ténèbres vers la lumière. Sourate al-Baqarah, la vache, verset 257. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون أو الغالبون. Que seuls les alliés d'Allah et de son messager sont ceux qui ont cru et qui ont accompli la salat et qui sont acquittés de la zakat et qui sont inclinés. Et celui qui s'allie à Allah et à son messager et à ceux qui ont cru, ce sont ceux-là le parti d'Allah, ce sont ceux qui seront les vainqueurs. Al-Ma'idah, verset 55 à 56. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna al-abi fulain laysu bi awliya, innama awliya'i al-muttaqun. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que les gens de un tel ne sont pas mes alliés. Il faisait allusion à des gens qui avaient un lien de parenté avec lui, mais qui n'étaient pas sur l'islam. Donc, ces gens-là ne sont pas mes alliés. Il a dit, mes alliés sont seulement les gens qui ont craint. Les créatifs, c'est-à-dire les pieux. Muttafaqun alayhi. Wa qala al-Hasan rahimahullah ta'ala, idda'a qawmun mahabbat Allah, famtahanahum Allah bi hadhihi al-aya, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Al-Hasan il a dit, Al-Basri, il a dit que des gens prétendu l'amour d'Allah azza wa jalla, donc Allah les a éprouvés par ce verset dans le sens où il dit si jamais vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Donc quelqu'un qui prétend aimer Allah Azawajal sera éprouvé par le suivi de la sunna. S'il ne suit pas la sunna, c'est qu'il n'aime pas Allah comme il le prétend. On ne dit pas qu'il n'aime pas Allah du tout, mais il n'aime pas Allah comme il le prétend. Et il donne amour légiféré comme il se doit. Comme le Mubtadi'a. D'accord ? Comme le Mubtadi'a, par exemple. Exemple, aujourd'hui, ces jours-ci, le Maulid qui va avoir lieu. Les gens prétendent faire cela par amour du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils l'ont suivi ? Non. Donc celui qui prétend aimer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ne l'aime pas, comme il se doit, que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Donc la bid'a est une épreuve pour les gens, pour tester qui est le sunni et qui est le mubtadi'a. Wa al-Shafi'i il a dit: "Idha ra'aytum ar-rajul yamshi 'ala al-ma' aw yatir fi al-hawa, fala tusaddiquhu wa la tahtarru bihi hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasul sallallahu alayhi wa sallam." Il a dit: "Jamais vous voyez l'homme qui marche sur l'eau ou qui vole dans les airs, ne le croyez pas, ne soyez pas dupés par lui tant que vous n'avez pas testé cette personne-là par rapport au livre et à la sunna." Ou plutôt, tant que vous ne savez pas quel est son degré de suivi. Si jamais c'est un sunni, d'accord, alors là, vous pouvez dire que c'est un miracle. Si jamais ce n'est pas un sunni ou autre, alors ce n'est pas le cas. Donc sachez que les awliyas d'Allah, on ne trouve que chez les salafis. Toute personne qui n'est pas salafi ne peut être un awliya d'Allah, azawajal, quelle que soit l'apparence de la piété qu'il laisse apparaître. Le salafi, c'est le musulman par excellence. D'accord ? Quel que soit ce que les Hizbis disent sur les salafis, que c'est une secte ou je ne sais quoi, non. La salafia, vous savez très bien c'est qui ? C'est le muslim qui suit le kitab et la sunna avec la compréhension des salafs. La vraie. Celui-là, le salafi. C'est le muslim par excellence. D'accord ? C'est la religion sur laquelle était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba et les tabi'in, adba'a tabi'in. Donc toute personne qui suit leur religion et leur compréhension, c'est un salafi. Bien comprendre, la salafia, c'est pas une secte. Comme cela va suivre dans la question suivante, qui est Souel Salih Souar Ishidin Bardel Miyatein. 223e question. Ma hiya ta'ifatu allati anaha al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haq zahira la yadurruhum man khalafahum hatta yatiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Il a dit donc, quel est ce groupe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a désigné en disant qu'un groupe de sa communauté ne cessera d'être sur la vérité apparent et ne seront point nuits par ceux qui les auront contredits jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah azza wa jal. Dans une version, c'est ce que vienne l'heure, c'est-à-dire aux prémices de l'heure. Car lorsque l'heure viendra, il n'y aura plus de croyants sur terre. Le hadith, c'est des mutawakkhin alayh. Donc c'est quoi ? Quel est ce groupe ? Qala hadi ta'ifa yal furqa al najiha من الثلاث والسبعين فرقة كما استثنها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله كلها في النار إلا واحدة Royal Jama'a. Donc c'est le groupe sauvé. Le groupe sauvé. Il fait partie des 73 groupes nommés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui en réalité sont 72 sectes et un groupe. Un groupe qui est le groupe sauvé. Qui font exception à ceux qui ne seront pas touchés par le feu. Maintenant, cela ne veut pas dire que chaque individu de ce groupe-là ne sera pas touché par le feu. Mais le groupe en lui-même est préservé du feu. Le groupe en lui-même est préservé du feu. À bien comprendre cela. D'accord ? Tous les groupes iront au feu, à part un, c'est le groupe. Et le groupe ne veut pas dire grand nombre. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou quand l'Ibn Mas'ud, al-jama'a, man kana al-haq wa lokana wahda. La jama'a, le groupe, c'est celui qui est sur la vérité. Même s'il s'agirait que d'un seul individu, dans un lieu. C'est lui le groupe. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min mushrikin. Que Ibrahim était un imam. Une umma, lui tout seul. Voyez, sur la droiture, il n'était pas du nombre des mouchriquins. Il était tout seul pourtant. Allah Azza wa Jalla l'a appelé Umma. Voyez, donc, des fois les Hizbis disent que les salafis sont qu'un petit groupe sectaire. Ça ne veut rien dire. Même s'ils sont nombreux, cela ne veut rien dire. Ce n'est pas le nombre qui l'indique. Connaissez bien les hadiths que le prophète a dit qu'un prophète viendra, il aura une seule personne qui le suivra. D'autres viendront avec deux personnes, d'autres n'auront personne avec eux. Donc le nombre ne veut rien dire. Mais bien sûr, lorsque le gros nombre est sur la vérité, cela fait plaisir également. Sans aucun doute, mais le nombre ne veut rien dire. D'accord ? Le nombre, la quantité ne veut rien dire. L'islam n'est pas une démocratie. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou hum man kana ala misli ma'ana alayhi, al-yum wa ashabi. Et ce groupe-là, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sont ceux qui sont sur mon suivi aujourd'hui, ainsi que celui de mes compagnons, qui ont la religion comme nous l'avons aujourd'hui. D'accord ? Comme nous l'avons aujourd'hui. Donc, de là, l'auteur a fini le livre. فقال نسأل الله تعالى أن يجعل منهم ولن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. Il a dit, il a fait un doigt dans lequel il dit que Allah fasse de nous des gens faisant partie de ce groupe et qu'il ne fasse pas diviser nos cœurs après nous avoir guidés et qu'il nous donne la miséricorde car il est soit le grand donateur. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام على المرسلين. Donc de là s'achève cette série de Durus qui avait commencé lorsque j'étais en France. D'accord ? Elle était en direct avec un groupe de frères. Ensuite, après mon départ, je l'ai poursuivi après non coupure car je n'avais pas le net assez fort pour la faire. Donc il y a eu une grande interruption. Après, on a pu la reprendre. Et là, s'achève ici. Tayeb. Et Nashkurullah Azza wa Jal. Bima wafakana bi takmil wa itmam hadha al-kitab. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما كنا وما سمعنا فإن أصبت فمن الله فإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فسبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك